Victor Hugo, Grand âge et bas âge mêlés, Le pot cassé. Ô ciel, toute la Chine est par terre en morceaux. Ce vase pâle et doux, comme un reflet des eaux, couvert d'oiseaux, de fleurs, de fruits et de mensonges, de ce vague idéal qui sort du bleu des songes, de ce vase unique, étrange, impossible, engourdi, gardant sur lui le clair de lune en plein midi, qui paraissait vivant, où luisait une flamme, qui semblait presque un monstre et semblait presque une âme. Mariette, en faisant la chambre la pousser, du coude par mégarde, et le voilà brisé. Beau vase, sa rondeur était de rêves pleins, des bœufs d'or y broutaient, des prés de porcelaine. Je l'aimais, je l'avais acheté sur les quais, et parfois au marmot pensif, je l'expliquais. Voici l'Iac, voici le singe quadrumane. Ceci est un docteur peut-être, ou bien un âne. Il dit la messe, à moins qu'il ne dise Ian. Ça, c'est un mandarin, qu'on nomme aussi Cohan. Il faut qu'il soit savant, puisqu'il a ce gros ventre. Attention, ceci, c'est le tigre en son antre, le hibou dans son trou, le roi dans son palais, le diable en son enfer, voyez comme ils sont laids. Les monstres, c'est charmant, et les enfants le sentent. Des merveilles qui sont des bêtes les enchantent. Donc, je tenais beaucoup à ce vase. Il est mort. J'arrivais furieux, terrible, et tout d'abord, « Qui donc a fait cela ? » criai-je, sombre entrée. Jeanne alors, regardant Mariette effarée, et voyant ma colère, et voyant son effroi, m'a regardé d'un air d'ange et m'a dit « C'est moi !»